Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéo Top. Aujourd'hui, une bonne comédie. Pitka est l'un des gourous les plus célèbres du monde. Le deuxième, pour être plus précis. Ses airs inspirés, ses trésors de sagesse, son aura mystique captivent les foules autant que son abondante pilosité et les insondables dictons et prophéties dont il émaille ses sermons. Ce sage n'a que trois ambitions: instaurer la paix universelle, éclairer l'humanité et passer au journal de 20h. J'ai été élevé en Inde, dans le tout petit village de Haren Makister. Je suis sa vénérable sainteté, le gourou Pitka. Cet été, le plus grand spécialiste des relations de couple au monde débarque chez nous. Allez-y, gourou, éclairez-nous. La fatalité est un canular. Et comme je me souviens de l'avoir lu un jour sur le mur des WC publics, le canular, c'est entre tes mains que tu le tiens. Oh mon Dieu, je viens de saisir. C'est l'histoire d'un petit garçon élevé en Inde. Pourquoi veux-tu tellement rejoindre l'ashram Tripot Mon Karma? Pour que toutes les filles m'aiment et que du coup, bah, ça m'aide à m'aimer aussi. Qui a appris à pénétrer les voies de l'amour? Mike Myers, Love Guru. Love Guru avec Mike Myers, Jessica Alba avec ce DVD Paramount.